bas. J'suis trop d'F4. Jazz 31, jazz. Oh. Capuché dans la voiture, j'suis trop 9-4. Mes couilles rayent le biture, j'suis trop 9-4. Trop Kaira et l'attitude, j'suis trop 9-4. J'suis trop 9-4. J'suis trop 9-4. On joue pas avec les thunes, j'suis trop 9-4. Tu me carottes, j'te tire dessus, j'suis trop 9-4. Capital des bracos, j'suis trop 9-4. J'suis trop 9-4. J'suis trop 9-4. Tous mes rails sont anti-tech. On brille quand on pèse, on se filme quand on pèse. Le sport local prend le cash et file en vitesse. C'est la hesse, ici l'amour s'écrit avec du super. Avant on jouait aux billes avec nos crottes de nez. Maintenant on vend de la farine pour faire du blé. Et je veux des sous, je veux des sous, je veux des thunes. J'ai les couilles trempées tellement elles mouillent. Mes chances de réussir étaient minces comme un grain de riz. J'ai dû frauder pour avoir un meilleur train de vie. Fais pas le fou, 9-4 c'est Kaboul, hein, soul. Tous mes voyous se ressemblent sous la cagoule. Viens faire un tour dans mon 9-4, yeah. H24, la bague dans les pattes, ça black pas, c'est carab ou black. Ambiance froide comme le métal d'un calibre. Chez nous les gros ont des morceaux de bitume sur les canines. On pêche au Adam et baisse des putes à Bruxelles. Photo sur Macadam, courter la carrière d'une pucelle. Passer la haine, on chasse le fourgon RPG7. Capital des bracos, ma gueule, ça défouraille sec. Ce qu'on vise, le R8 jante, BBS. C'est une baraque tellement grande que pour chier faudrait un GPS. On chauffe les meufs à l'essence, délinquants depuis l'adolescence. Si t'ouvres trop ta gueule, c'est la convalescence. Capuché dans la voiture, j'suis trop 9-4. Mes couilles rayent le biture, j'suis trop 9-4. Trop Kaira et l'attitude, j'suis trop 9-4. J'suis trop 9-4. J'suis trop 9-4. On joue pas avec les thunes, j'suis trop 9-4. Tu me carottes, j'te tire dessus, j'suis trop 9-4. Capital des bracos, j'suis trop 9-4. J'suis trop 9-4. J'suis trop 9-4. Trêve entre parenthèses, j'assume chaque mot. J'suis un guerre, c'est ma façon d'être, j'assume sans problème. C'est le mot d'ordre d'une mission de reconnaissance. J'suis pas de ceux qui tentent la seconde joue, juste une question de bon sens. Jamais on marche avec nos propres lois, nos propres codes, nos propres règles, nos propres châtiments, nos propres juges. Bienvenue dans le 9-4, la capitale des bracos. L'égalité on n'y croit plus, on emmerde Sarko. J'suis pas là pour leur dire ce qu'ils veulent entendre. J'suis la voix des sans-voix, le haut-parleur pour la sentence. J'applique, tu sais, le code de la rue. Ne laisse jamais un mec venir te menacer en bas de ta rue. Joyeux Noël à tous, le Père Noël est cagoulé. Que les gentils garçons donnent la thune avant que n'arrive le poulet. N'essaie pas de bloquer la porte, on l'explose comme des rara. Pas de meurtre, Paul Vert, nos jouets font rara. Tu vas avoir besoin d'un docteur, mais gros d'un avocat. Menteurs sont les rappeurs, emprisonnés dans une vodka. Moi j'aime mon 9-4, comme j'aime mon 44. J'aime la vie, bitch, surtout à 4 pattes. Gas, aka PC, aka Mr. Blood, Blood. Masqués sont les crimes, tiens, appelle-nous Mr. Blood, Blood. Si t'as des grosses couilles, on te les casse comme dans James Bond. Bouge, grouille, comme dirait-il, des couilles claquent le menton. Capuché dans la voiture, j'suis trop 9-4. Mes couilles rayent le biture, j'suis trop 9-4. Trop Kaira et l'attitude, j'suis trop 9-4. J'suis trop 9-4. J'suis trop 9-4. On joue pas avec les thunes, j'suis trop 9-4. Tu me carottes, j'te tire dessus, j'suis trop 9-4. Capital des bracos, j'suis trop 9-4. J'suis trop 9-4. J'suis trop 9-4. Capuché dans la voiture, j'suis trop 9-4. Mes couilles rayent le biture, j'suis trop 9-4. Trop Kaira et l'attitude, j'suis trop 9-4. J'suis trop 9-4. J'suis trop 9-4. On joue pas avec les thunes, j'suis trop 9-4. Tu me carottes, j'te tire dessus, j'suis trop 9-4. Capital des bracos, j'suis trop 9-4. J'suis trop 9-4. J'suis trop 9-4.